Cinquième et dernière émission de notre série Sortir de la guerre à l'occasion du 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale qui sert de thème à la journée spéciale de France Culture aujourd'hui sur l'héritage de la libération et en partenariat avec le hors-série du Monde qui vient tout juste de sortir en kiosque 1945, un monde éclaté sort de la guerre. Pour ce cinquième volet de notre série « Sortir de la guerre », nous allons vous parler d'économie et de social en nous demandant quel état social est donc bien sorti de ce conflit. A-t-on conservé quelques-unes des innovations du régime de Vichy en ce domaine après 1945 ? A-t-on tout refondé, tout au contraire ? Comment ce qui s'est inventé en 1945 en France et après a quelque chose à voir avec les expériences menées ailleurs dans le monde ? C'est ce que nous verrons avec nos invités, avec Michel Margueras. Il est professeur d'histoire à Paris 1, spécialiste d'histoire de l'économie en particulier. Il a participé au tout dernier ouvrage donc coordonné par Alia Aglan et Robert Franck, un ouvrage gigantesque en deux volumes qui s'intitule « La guerre monde ». Michel Noblecourt est également avec nous. Il est éditorialiste et journaliste au Monde, ainsi qu'Antoine Reverchon, économiste, journaliste au Monde et aussi un peu historien, puisqu'Antoine Reverchon a publié l'année dernière chez Economica « La France pouvait-elle gagner en 1870 », c'est-à-dire un ouvrage de « What if history », comme on dit généralement, d'histoire contrefactuelle. Tous les deux participent au numéro hors-série du Monde, 1945, « Un monde éclaté sort de la guerre ». Et puis à la fin de cette émission, Anaïs Quin viendra pour sa chronique mensuelle sur les documentaires d'histoire, nous en présenter deux, l'un qui s'intitule « Le cinéma de la résistance », et puis également un deuxième sur Edgar Morin, « Chronique d'un regard » de Céline Gailleur et Olivier Bollaire. Bonjour à vous Michel Margueras. Bonjour. Bonjour Michel Noblecourt. Bonjour. Et bonjour à vous Antoine Reverchon. Bonjour. Alors tout de même la première question qu'on peut se poser quand on revient sur cette longue histoire qui nous sépare de 1945 et en particulier de ce qui s'est passé dans le domaine social et économique, c'est de revenir sur certaines des idées que l'on a dans notre tête et qu'on a appris généralement à l'école sur l'extrême nouveauté de ce qui s'était passé en 1945 et peut-être aussi un exemple particulier dans le monde, à savoir l'exemple français, la création de la sécurité sociale et tout un tas d'autres manières de faire une protection sociale particulière à la France. Si on prend ces exemples, Michel Margueras, que l'on va développer dans cette émission, on se dit que tout compte fait, la France, à la fois chronologiquement et puis également spatialement, n'est pas si unique que cela. D'abord, chronologiquement, est-ce que ce qui s'innove dans la Seconde Guerre mondiale sous le régime de Vichy sert d'une manière ou d'une autre à ce qui va se créer en 1945 ou pas du tout ? Bon, vous savez que les historiens, en général, quand ils posent la question de la rupture ou de la continuité, vous disent d'emblée c'est beaucoup plus complexe. Voilà. Et bon, on va commencer par ça déjà. Voilà, et qu'il y a bien entendu des deux, ça dépend de quoi on parle. C'est-à-dire qu'en fait, il faut déglobaliser la question. Hein. Alors, en ce qui concerne la protection sociale, puisque on va commencer par là, il est bien certain que vous avez une histoire de temps très long. Hein, qu'on peut faire remonter à Bismarck, une histoire très internationalisée. Vous savez que vous avez des auteurs qui nous disent il y a des modèles de protection sociale, hein, Gustav Spin-Andersen, des politistes ou des sociologues qui nous disent il y a un modèle beveridgien, un modèle bismarckien et puis un modèle social-démocrate. Et certains auteurs, notamment d'histoire sociale allemande, comme Armut Kahlbleu, etc., qui insistent beaucoup sur les circulations des idées, des institutions, des congrès mondiaux, etc., disent qu'au fond, c'est une construction un peu internationalisée. Donc la France, de ce point de vue-là, participe d'un mouvement international. Donc ce que vous disiez, au fond, la singularité dans l'espace, elle est déjà très relative. Et même dans l'ouvrage que vous évoquiez tout à l'heure, là, sur la guerre monde, dont le titre signale bien qu'on est à une échelle mondiale, paradoxalement, ce qui est peut-être pas très connu pour un public moins averti, eh bien, la question de la sécurité sociale, c'est d'abord une question anglaise, une question américaine, et je dirais presque une question canadienne, puisque la grande organisation internationale du travail, qui existe toujours, qui était née en 1919, s'était réfugiée à Montréal, de la SDN. Et donc, au fond, la sécurité sociale française serait un élément... Un surjon. Un élément spécifique, quand même, avec des traits particuliers, mais d'un mouvement beaucoup plus large. Et puis, par rapport au temps long, il est certain qu'on peut faire remonter aux années 1880, à la Première Guerre mondiale, la création de l'OIT. Les deux guerres mondiales ont été sans doute des accélérateurs de la question de la sécurité. La sécurité dans les combats pousse à envisager la sécurité plus générale, c'est-à-dire la sécurité économique et la sécurité sociale. Mmh. Et c'est au fond cette idée de la protection face aux armes, face aux retombées de la guerre, qui pousse aussi à la question de la protection plus générale. Et puis n'oublions pas qu'en 1945, on sort de la guerre. La France, de manière un peu particulière, ça a été rappelé dans l'émission précédente. Hein, mmh. C'est-à-dire que la France était quand même pas tout à fait du côté des vainqueurs en 1940, hein, je le rappelle. Mmh. Et puis en 1944-45, elle se retrouve du côté des vainqueurs, ce qui était quand même un rétablissement assez spectaculaire. Ouais. Hein. Mais cette guerre faisait suite à la crise des années 30. Mmh. Et tous les acteurs publics et privés qui, au fond, veulent reconstruire le monde en 45 ont en tête non seulement la guerre, mais aussi la crise. Oui, c'est une des choses sur laquelle vous insistez dans votre dossier, donc à l'intérieur de ce numéro spécial au sort série 1945, Un monde éclaté sort de la guerre, c'est effectivement le spectre de 1929. Antoine Reverchon, vous êtes économiste de formation, je l'ai dit, et vous êtes journaliste au Monde. Ce spectre de 1929, il est dans la tête de tout le monde. Complètement. C'est-à-dire que l'interprétation des causes de la guerre, elle tient beaucoup, elle est dans la tête des politiques, des experts, des économistes du moment. Les causes matérielles de la guerre sont la crise. Enfin, ça paraît évident à l'époque. Donc ce sont des causes économiques. Ce sont des causes économiques et la crise économique, le déclenchement de la crise et évidemment surtout ses conséquences, c'est-à-dire le chômage, les taux de chômage absolument extraordinaires dans les années 30. La pauvreté, tout simplement, la pauvreté qui se répand. Et donc l'idée que le nazisme est né des ruines de l'économie allemande et le fascisme est né des ruines de l'économie européenne est très présente dans les têtes. Donc Keynes a déjà écrit autour de ça et des solutions. Et les solutions, elles sont... D'emblée, c'est le New Deal de Roosevelt, donc c'est avant la guerre. Mmh. Et en gros, la généalogie de la pensée économique et des politiques économiques qui sont mises en œuvre juste après-guerre pour la reconstruction, ce sont quand même aussi des bébés New Deal. Il y a une espèce de continuité quand même autour de cette idée-là. Et pour la sécurité sociale, le terme sécurité sociale est dans la charte de l'Atlantique qui est signée le 14 août 41, c'est-à-dire avant même l'entrée en guerre des États-Unis, c'est un des objectifs de guerre, le terme de social security. Ouais, vous dites Churchill et Roosevelt, c'est ainsi dans le texte d'ailleurs de la charte de l'Atlantique, désirent faire en sorte que se réalise dans le domaine économique la plus entière collaboration entre toutes les nations afin d'assurer à tous et à toutes les meilleures conditions de travail, le progrès économique et la sécurité sociale. Effectivement, on a là une sorte de plan voilà. Que l'on va voir. C'est le programme de l'État-providence et de l'économie dirigée. Michel Margueraz. Oui, ce texte, c'est un peu à l'intervention de Churchill que ça a été ajouté, mais c'était déjà quand même une expression américaine, puisqu'en 1935, une des mesures du New Deal, pas le premier, mais disons le New Deal... un peu postérieure, c'était Social Security Act, la loi de sécurité sociale du point de vue américain, c'est-à-dire le début d'une protection sociale, d'assurance vieillesse et d'assurance chômage. Pas maladie. Maladie, vous savez que c'est encore aujourd'hui une question qui est peu complètement assurée. Mais l'idée d'une sécurité sociale est apparue effectivement dans la charte de l'Atlantique dans la rencontre contre la tyrannie nazie. Dans le texte, c'est contre la tyrannie nazie, de la part de Churchill, qui lui est en guerre depuis 1939, mais de la part de Roosevelt, qui lui n'est pas encore en guerre et qui vient de se faire élire pour la troisième fois, sur un programme de neutralité, donc qui est quand même là en train de basculer du côté de... Vous avez cité Keynes, Antoine Reverchon. Qui sont les penseurs de ce nouvel État social qui va, surtout les penseurs d'un système, parce que c'est un système qu'on va mettre en place. On va en parler avec Michel Noblecourt également. C'est un système qui se met en place, un système international, un système monétaire pour pouvoir éviter les crises et tout un système qui se met en place. Qui sont les gens qui servent de, disons, de guide, qui donnent une sorte de ligne à ces dirigeants politiques qui ne sont pas non plus des experts de l'économie et du social? Dans la gestion de la crise, les équipes de Roosevelt... Oui, ils savaient faire. Évidemment, sinon, effectivement, c'est Keynes quand même qui est le grand maître d'œuvre de la chose. Ensuite, la traduction, le système de sécurité sociale le plus abouti, enfin, c'est Beveridge, hein, c'est les rapports, enfin, là, vous en parlerez évidemment beaucoup mieux que moi. Mais pour ce qui est de la politique économique, c'est Keynes, effectivement, et l'ordre monétaire international, l'idée qu'il faille réguler l'ensemble des rapports économiques entre les pays et qu'il y ait des institutions internationales qui gèrent et évitent les crises en venant au secours des pays qui ont des difficultés économiques pour éviter que ça se propage, pour éviter la contagion, puisque c'est ça l'idée, la crise est partie des États-Unis en 1929, a contaminé l'ensemble des systèmes bancaires. Voilà, donc l'idée c'est la régulation économique et les financières par des institutions supranationales. Donc c'est le FMI, le Fonds monétaire international, puis la Banque mondiale. Michel Margaret. Oui, le grand homme, c'est Keynes pour tout ce qui est déjà les politiques. Les deux termes qui sortent et qui deviennent des termes reconnus internationalement, c'est le plein emploi et c'est la sécurité sociale. Et les deux sont liés. Et Beveridge, qui fait un rapport officiel en 1942 sur... Ça s'appelle encore l'assurance sociale. En Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, en 1942, dans un débat démocratique en pleine guerre, hein, pour instaurer un système unifié, uniformisé de protection sociale, mais qui fait suite encore à des mesures précédentes qui s'égrènent tout au long du siècle. Beveridge, qui est un proche de Keynes, ils sont tous les deux, ils appartiennent tous les deux au Parti libéral. Vous savez, celui qui a quand même pas beaucoup réussi là, Cette nuit, ils ont même assez l'élu, je pense. Bon, donc c'est pas terrible, mais c'était un grand parti. Le bipartisme traditionnel en Angleterre jusqu'à la Première Guerre mondiale, c'est conservateurs-libéraux. Et tous les deux faisaient partie du Parti libéral. Et Keynes fait un deuxième rapport, là, à titre personnel, en 1944, qui s'appelle « Full Employment in a Free Society », plein emploi dans une société libre. Mmh. Et là, ça articule les deux. C'est-à-dire que, si vous voulez... La liberté recouvrée contre la tyrannie nazie et la sécurité économique et sociale. C'est-à-dire que sortir de la guerre, c'est assurer la sécurité aux travailleurs, à tous ceux qui ont les plus fragiles. Anaïs Kien. On entend bien cette l'importance de cette rupture de la crise de 1929, mais Keynes est déjà là lors de la conférence de paix de la sortie de guerre de la Première Guerre mondiale, Michel Margueraz. Apprend-il de cette expérience malheureuse de cette conférence de paix qu'il quitte avec perte et fracas, d'ailleurs, je crois, en 1919, pour penser cette sortie de guerre en 1944-1945? Oui, pour les contemporains, 1945 doit être un anti-1919. Hobsbawm. Eric Hobsbawm, récemment disparu, malheureusement. Voilà, récemment disparu, grand historien britannique. Et marxiste. Né en 1917 et mort récemment, a une phrase que je répète peut-être un peu trop souvent, mais qui est assez utile avec les étudiants. La Première Guerre mondiale n'a rien résolu. La Première Guerre mondiale n'a rien résolu. La Seconde Guerre mondiale a trouvé des solutions. C'est-à-dire, c'est à la différence de 1919, où la perspective, c'est de revenir à 1914, d'effacer la période de guerre, 1945, c'est de ne pas revenir à 1939, parce que 1939, c'est la crise. Donc, on crée un monde nouveau. Donc, on ne fait pas ce qu'on a fait en 1919. Du coup, on crée une nouvelle organisation des Nations Unies, c'est plus la SDN. La seule organisation qui survit, c'est l'Organisation internationale du travail. Parce qu'elle a pris fait et cause dès 1939-40 pour les Alliés et contre les nazis. Et parce qu'elle était installée en Suisse, peut-être aussi. Est-ce que ça a non, mais justement, elle part de Suisse pour ne pas être... Parce que vous savez, la Suisse, elle est neutre, mais quand même, on n'est pas très loin quand même des... Elle part de Suisse et elle s'installe où pendant la guerre ? À Montréal. J'étais un petit bois de France, avec 12 rouges ferrés, mais je n'ai jamais eu de chance. Ah, que m'est-il donc arrivé ? Je crains fort de n'être plus rien qu'un souvenir, une peinture, on a resplendi l'aventure. Un parfum, suis-je plus qu'en la mémoire de quelques folles ou bien d'enfants? Ils vous diraient mieux mon histoire que je me fais en ce moment. Mais où sont-ils donc sur la terre pour que vous les interrogiez? Du Petit Bois de France, le Petit Bois tiré du poème de Jules Supervielle, mis en musique par Georges Auric pendant la guerre et publié en 1945 en même temps que des poèmes des Loirs, là, eux aussi, et de Aragon, eux aussi, mis en musique par Georges Auric. Alors Michel Neblecourt, dans le numéro spécial hors série du Monde qui était en kiosque ces temps-ci, qui s'intitule le 1945, un monde éclaté sort de la guerre, vous vous intéressez à la façon dont ces idées dont on vient de débattre avec Michel Marguerraz et Antoine Reverchaud, se sont mises en œuvre sur le territoire français. Est-ce que vous appelez l'émergence d'un État social? Alors comment ça se passe justement? Quelles sont les étapes, pourrait-on dire, que vous décrivez dans votre papier de ce hors-série qui vont permettre justement que ces idées s'incarnent d'une certaine façon et s'appliquent sur le territoire national? Bien, les étapes, effectivement, vont être au nombre de trois dans la construction de cet état social qui va concerner tout d'abord donc la création de comités d'entreprise. S'il y arrivera une deuxième étape qui va consister à faire peut renaître des organisations syndicales. Il ne faut pas oublier que le régime de Vichy avait dissous en novembre 1940 les syndicats. Et le patronat aussi, du reste. Et la troisième étape sera, justement, ce dont on parlait à l'instant, l'édification d'une sécurité sociale qui trouvera ses inspirations à la fois, je dirais, dans le modèle beveridgien et le modèle bismarckien, quoi. Donc, ça sera un petit peu une sorte de synthèse à la française de ces deux systèmes précédents de sécurité sociale. Donc, oui. On insiste beaucoup à propos de cela, et c'était déjà le cas ce matin, et ça sera à nouveau le cas dans la grande table ce midi sur l'héritage de ce qu'on appelle le CNR, le programme du CNR, donc qui est établi au printemps 1944. Les jours heureux, oui. Voilà, les jours heureux. Cet héritage, il est complexe parce que vous expliquez dans votre papier, c'est ce que savent les historiens, que par exemple, De Gaulle, qui prend le pouvoir, n'est pas non plus, ne se sent pas particulièrement non, extrêmement pas, lié à ce pas, programme du CNR. Certes, c'est pas un groupie, c'est pas un groupie. Il le met en œuvre, mais il est un peu obligé de le mettre en œuvre parce que le poids du Parti communiste, en particulier, fait qu'il ne peut pas faire autrement, mais il n'y a pas une volonté de sa part de le suivre à la lettre, en tous les cas. Non, il ne le suit pas à la lettre et on va bien le voir justement ce qui se passe pour les comités d'entreprise. C'est ça qui est très intéressant, c'est que les comités d'entreprise sont effectivement créés par une ordonnance qui est en date du 27 février 1945, mais ce sont pas les comités d'entreprise qu'on connaît aujourd'hui, et donc justement le général de Gaulle va résister à la pression communiste, sachant que le Parti communiste est quand même la première force politique à la libération, et les comités d'entreprise qui va instaurer par cette ordonnance concernent les entreprises de plus de 100 salariés. Et il faut voir aussi dans quel état d'esprit ils sont bâtis. Et donc là, certains pourraient dire il y a encore un héritage quelque part de Vichy qui prenait une sorte de collaboration entre les employés et les employeurs à travers les unités de production, puisque les comités d'entreprise effectivement doivent être animés par un esprit de coopération. C'est la formule qui est utilisée dans l'ordonnance de 45. Et donc ça va donner lieu à des débats très très vifs. Et les comités d'entreprise qu'on connaît ensuite ne seront dus qu'en fait au travail d'Ambroise Croizat. Au travail d'Ambroise Croizat, c'est la loi de 46 absolument, qui va, ça sera 50 salariés, ça sera effectivement un droit pour les comités d'entreprise de dire leur mot sur la gestion de l'entreprise. Et vous rappelez que même en pleine séance, en mars 45, le général de Gaulle quitte l'Assemblée. Il quitte l'Assemblée, parce qu'il est mécontent de la façon dont, justement, on conteste son projet sur les comités d'entreprise. Oui, absolument. Il est... Michel Marguerat, sur ce point et sur ces débats qui rendent plus complexe la vision qu'on a de ce programme du CNR qui aurait été sorti, qui serait sorti tout forgé, tout armé et qu'on aurait appliqué immédiatement en 1945, qu'est-ce qu'on peut en dire? J'ai eu le temps d'entendre quelques bribes de l'émission précédente. Chez Marc Vincher, au matin. Voilà, chez Marc Vincher. Donc, ça a été bien dit, c'est-à-dire que de Gaulle, il est dans une position qui est quand même double, hein, c'est-à-dire que d'un certain point de vue, le CNR, il en avait besoin pour sa légitimité à la fois intérieure et surtout internationale. C'est-à-dire pour unifier. Dire qu'il n'était pas seul, c'était pas un homme seul. Et puis pour bien montrer que c'était à la fois la parole unique, hein, de la résistance intérieure, à la fois des partis, des mouvements, des syndicats. Syndicats. Mmh. Donc les deux grandes confédérations syndicales sont signataires du programme. Mmh. Et il y a une unanimité autour de ce programme. Donc c'est quand même une des bases de sa légitimité. Mmh. Et en même temps, on le sait bien, il ne veut pas être prisonnier. Mmh. Donc, mais ceci étant, le programme du CNR a quand même une vertu symbolique forte, qui n'est pas forcément très durable, mais qui est très forte. Pourquoi ? C'est le seul texte de toute l'histoire française depuis la Révolution qui a été signé par toutes les composantes politiques de la droite à l'extrême gauche, des partis, des syndicats et des mouvements. Il n'y en a pas d'autres. Donc c'est quand même... Alors je sais bien qu'il y a un dirigeant patronal récent qui a dit qu'il fallait tout détricoter, oui, et que c'était ça l'avenir de la France. Denis Kessler, pour ne pas le nommer, voilà, il y a quelques années. Voilà, en 2007. Mais ça a été quand même un des rares textes qui représentait un vrai engagement transpartisan, où il est question d'un plan complet de sécurité sociale. Anaïs Quin. Et justement, dans ce sens-là, est-ce que on a affaire à cet endroit-là, Michel Marguerat, à une anomie dans la culture politique de la prise des décisions politiques en France ? On a en tout cas une véritable originalité par rapport à ce qu'on raconte, vous savez, souvent, comme quoi, en France, un peu paresseusement, il y aurait une culture du conflit, de la conflictualité qu'on ne saurait pas trouver. Enfin, il y a sûrement une culture du conflit si ce texte est le seul qui soit signé par toutes les... Absolument. Les voilà, parce absolument. Que... Et d'autre part, il résulte d'un conflit. Oui. Vous voyez? Mais c'est pour ça que c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est souvent le conflit qui crée le consensus ou qui crée le compromis. Et là, en l'occurrence, on a un vrai compromis. Ceci étant, il a été voulu, pensé, voulu. Jean Moulin, hein, qui a eu un rôle très important. Et il y a eu, ensuite, après. Mais il y a eu beaucoup d'obstacles, avant d'arriver à une rédaction définitive. Et vous imaginez une rédaction dans la clandestinité, en plus, où il faut consulter 25 mouvements, etc. Il faut je crois qu'ils étaient 13 ou 16 autour de représentants. Oui, mais ils en représentaient plusieurs. Ouais, c'est ça, chacun en représentait plusieurs mouvements. Mais il y a eu un vrai débat démocratique. Il y avait des divisions à l'intérieur de plusieurs mouvements aussi. Oui, en interne. Alors, vous insistez aussi dans votre papier de ce hors-série du Monde, Michel Noblecourt, sur le deuxième point que vous avez évoqué, c'est-à-dire la question des syndicats, en disant, le régime de Vichy a supprimé les syndicats, le régime de Vichy a créé cette charte du travail qui change complètement la vision qu'on peut en avoir, les corporations, etc., etc. Et il faut donc faire renaître la vie syndicale après la Seconde Guerre mondiale. Absolument. Charte du travail, dont il ne faut pas oublier qu'un des auteurs est un ancien leader de la CGT, René Belin, qui ensuite a joué un rôle très actif auprès du maréchal Pétain. Et donc, effectivement, il n'y a plus... tout est à reconstruire. Il n'y a plus de syndicats, même si ils ont existé dans la clandestinité. Comme on l'était rappelé à l'instant, ils ont participé à l'élaboration du programme du CNR. Il faut rétablir un syndicalisme. Et donc, on a deux confédérations. Il n'y a que deux confédérations. Il n'y en a pas que 5 ou 6 comme aujourd'hui. Il y en a une troisième qui va apparaître, qui va être la CGC, qui apparaît en 1944. Mais il y a deux principales confédérations et qui avaient envisagé, il ne faut pas l'oublier non plus, qui avaient envisagé lors de la rédaction d'un manifeste qu'on appelle le manifeste des 12, qui date de du 15 novembre 1940, donc quelques jours après la dissolution des syndicats par Vichy, qui avait envisagé de créer une organisation, un mouvement syndical, comme il disait, unique. donc de se réunifier sur une base anticapitaliste, ce qui était très intéressant. Donc rappelons que ces deux syndicats, il faut le dire pour nos auditeurs qui ne le savent pas, la CGT et la CFTC. Donc la Confédération française des travailleurs chrétiens et la CGT, voilà, comme et la Confédération CGT. Générale du travail. Et donc la CGT qui avait elle-même éclaté pendant la, qui avait elle-même éclaté à la veille de la guerre et qui donc s'est réunifiée pendant la, dans la clandestinité. Et donc ces deux syndicats étaient prêts à faire une centrale unique et ce rêve ne sera jamais, ne sera jamais réalisé. Anaïs Kien. On entend bien la, la difficulté peut-être de reconstruire les instances syndicales, mais est-ce qu'on ne peut pas aussi parler peut-être de quelque chose qui va porter ce, ce mouvement de reconstruction syndicale qui est un esprit militant du temps de la libération, de ce lendemain de guerre? Oui, tout à fait. Oui, ben il y a un esprit militant, de toute façon, qui s'est manifesté quand même chez les membres de ces organisations syndicales qui ont quand même, on l'oublie parfois un petit peu, mais qui ont quand même participé de leur façon avec une grève insurrectionnelle qui ont joué un rôle, même s'il a été relativement mineur, mais quand même on a joué un rôle dans la libération du pays. Et puis une sacralisation de l'engagement avec cette héroïsation de la résistance. Tout à fait, absolument. Et donc l'idée c'est de d'établir, et ça découle du reste directement du programme du CNR, donc un syndicalisme indépendant et doté de larges pouvoirs, et donc c'est ce à quoi va s'atteler le ministre du Travail du général de Gaulle, Alexandre Parodi, lorsqu'il va définir dans une circulaire, en mai 45, les critères permettant d'établir la représentativité des syndicats, donc les syndicats qui pourront être des interlocuteurs du gouvernement et du patronat. Michel Margarin. Oui, c'est une période singulière du point de vue de l'histoire sociale et syndicale française. C'est un des rares moments avec 36, 37, où il y a une forte syndicalisation. Ouais. Hein, on entend, peut pas dire autant d'aujourd'hui. On entend sur la longueur d'antenne qu'il y a 5, 6, 7%, etc. syndicats. À l'époque, c'est, on imagine, il y a eu quelques travaux, vous savez, les historiens discutent pour savoir comment on compte les adhérents, est-ce qu'on prend les timbres, 12 timbres, 8 timbres, 6 timbres. Entre les chiffres annoncés et les chiffres réels. Mais grosso modo, on pense qu'il y a autour de 3 millions, quoi. De syndiqués à la CGT. À la CGT. Alors c'est une grosse CGT, hein, c'est une CGT qui comprend, bah, qui n'est pas la CGT avec la scission de la guerre froide et la création de FO, par exemple. C'est avant la scission. C'est une CGT qui s'est réunifiée pendant la guerre parce que c'était, il y avait une scission juste au moment du pacte germano-soviétique. Et donc qui s'est réunifiée et qui va de nouveau se déchirer en 1947. Donc vous avez dedans des ouvriers, des employés, des enseignants, etc. Hein. Donc on a une très grosse confédération. Et la CFTC, qui effectivement, dans le manifeste des 12, envisage de l'anticapitalisme, ce qui était quand même quelque chose de tout à fait neuf. Donc on voit à la fois une mobilisation, hein, alors une mobilisation qui ne passe pas par des grèves. Parce que la politique, c'est la reconstruction, c'est la bataille de la production. La fameuse bataille de la production. Les communistes sont pour le relèvement national, la CGT aussi. Rappelons les déclarations de Maurice Thorez demandant, par exemple, aux ouvriers des mines, aux mineurs, de retroussé leurs manches pour pouvoir permettre justement le redémarrage de l'économie après la guerre. Le discours de Loisier. Donc on est à la fois dans une mobilisation qui a poursuivi la mobilisation de la libération, donc une mobilisation sociale, mais une mobilisation patriotique. Et d'autre part, le souci assez partagé quand même de garder une unité qui a été quand même la condition sine qua non pour que la France, vaincue en 40, apparaisse, même si c'est à un rang un peu en dessous, parmi les vainqueurs en 45. Troisième point sur lequel vous insistez dans votre article du hors-série du Monde, Michel Neublecourt, eh bien c'est évidemment ce qu'on attend tous, c'est la création de la sécurité sociale, qui ne se passe pas si simplement, parce que là aussi... tout le monde ne va pas en bénéficier de cette sécurité sociale, tout le monde ne va pas y entrer. Et cette modernisation très avancée de ce qu'a été les assurances sociales, ce qu'ont été les assurances sociales pendant l'entre-deux-guerres, et cette fusion ne va pas être parfaite au bout du compte, Michel Neublecourt. Non, on est vraiment au tout début de l'édification d'une sécurité sociale à la française. Donc, il y a cette première ordonnance du 4 octobre 1945, donc qui jette les bases d'une sécurité sociale qui est destinée à garantir les travailleurs et leurs familles contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain, et donc qui va instaurer des caisses uniques de sécurité sociale, et qui va être complétée, cette ordonnance, par une autre qui donc date du 19 octobre 1945, donc qui prévoit, elle, l'affiliation obligatoire des salariés français et étrangers. au régime de sécurité sociale, et donc qui va également imposer comment fixer un certain nombre de règles par rapport à la pratique de la médecine. Il y a quand même une exception majeure qui reste celle de l'Alsace, qui continue finalement à avoir un statut privilégié au sein même d'un système absolument. De sécurité sociale. L'Alsace continue à avoir un système privilégié. Et puis, dans une France rurale, les agriculteurs ne rentrent pas dans ce régime. Voilà, et donc, c'est-à-dire que on consacre aussi l'existence des régimes spéciaux. Mm-hmm. Donc les régimes spéciaux subsistent. Effectivement, on parlait des agriculteurs, mais c'est également pour tous les artisans, les commerçants, et puis les régimes qui sont des grandes entreprises publiques. Grande ambition, mais difficulté de mise en œuvre, Michel Margueraz. Oui, alors c'est là où on voit les débats qui s'inspirent quand même de ce qui s'était passé à Londres. Hein. Beaucoup de ceux qui vont débattre, il y a aussi une part française dans l'élaboration internationale des normes internationales de sécurité sociale. L'un des grands dirigeants de l'entre-deux-guerres, de l'OIT, qui a avancé sur ces questions d'assurance sociale, c'est Albert Thomas, mais c'est surtout Adrien Tixier, bien sûr. Bon, socialiste, qui est brièvement ministre de l'Intérieur dans des premiers gouvernements de Gaulle, et puis qui meurt assez vite, d'ailleurs, c'est un ancien mutilé de la Première Guerre mondiale, etc. Et donc, il y a l'idée aussi de s'inspirer en partie du programme de Beveridge. Et je vous rappelle, l'innovation de Beveridge, c'était l'idée d'avoir une couverture de tous les risques sociaux pour toute la population. Donc, l'universalité, l'unité d'un système qui n'était pas simplement, comme ça pouvait l'être au 19e siècle ou même dans le premier 20e siècle, les plus pauvres ou les marginaux. C'est un droit pour tous. Alors la question en France, c'est que dans le système beveridgien, il y a quand même encore une part libérale. C'est-à-dire que l'idée de Beveridge, c'était quand même un libéral. Et donc son idée, c'était d'arriver à un minimum pour tous. On complète par des assurances volontaires. Et les Français ont bien dit, Tixier, ont bien dit, ça c'est un réflexe de pays riche. C'est-à-dire où, évidemment, les Anglais ont le niveau de vie le plus élevé en Europe à ce moment-là, hein, même s'ils sont dans une situation de pénurie. Mais les Français et tous les continentaux ne peuvent pas se permettre ça. Donc on privilégie plutôt la contribution obligatoire. Donc c'est pour taxe, c'est plutôt les salariés qui payent à la mesure de ce qu'ils ont gagné et qui reçoivent à la mesure de ce dont ils ont besoin. Et qui n'est pas un système. Et paradoxalement, le système beveridgien est beaucoup plus étatique que le système français, puisque c'est l'impôt. Là aussi, il y a des idées reçues hein, sur l'Angleterre libérale. En réalité, c'est l'impôt, mais c'est une couverture minimale. Vous voyez, donc on n'est pas tout à fait... Et là, il y a eu un grand débat, mais c'était quand même l'idée de couvrir le plus possible. Ceci étant, c'est essentiellement les salariés, sauf que Croizat, ministre communiste de la Sécurité sociale, dit « Attendez, si on veut quand même un système, gardons les régimes spéciaux, gardons quand même l'expérience des mutuelles et des assurances sociales d'avant, gardons la médecine libérale. » Là aussi, idée reçue. Hein. En Angleterre, la médecine est très largement fonctionnalisée. Et Croizat dit, avec les médecins qu'on a, on n'arrivera jamais à faire ce qu'on a fait en Angleterre. C'est exactement ce qu'il dit. Hein. C'est assez bien vu, cela dit. Voilà. Et donc, en France, il faut garder une médecine libérale. Et donc, vous avez ce mélange complexe à la française. Ce qui est intéressant, Antoine Reverchon, c'est qu'on voit bien que avec un ouvrage auquel a participé que Michel Margueraz, en deux volumes, chez Folio, donc dirigé par Alia Aglan, et Robert Franck, qui s'appelle La guerre monde, c'est qu'on révise aujourd'hui, alors qu'on parle de mondialisation, une vision purement française, purement anglaise, purement allemande, purement américaine de ces systèmes économiques et sociaux de la sortie de la guerre, et qu'on s'aperçoit au bout du compte qu'il y avait une véritable discussion internationale autour de ces questions-là, qu'il y avait un débat international. Après, chacun pouvait choisir des voies particulières à l'intérieur de ce débat, mais en tout cas, qu'il y avait une véritable discussion qui permettait aux uns et aux autres d'avancer leurs arguments. Ce n'était pas forcément des discussions formelles. Non, bien sûr. Sauf dans quelques cas où il y avait des conférences internationales. C'était de la circulation des idées. Voilà, une circulation des idées. Et c'était surtout le constat commun par rapport à l'ampleur des dégâts, quand même, et de la crise à résoudre, et de la nécessité de ne pas revenir, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, dans des mécanismes qui étaient ceux d'avant la guerre. Donc, par exemple, l'idée même de l'économie planifiée, de l'idée qu'il faille organiser la production, c'est dû à la reconstruction. Et ça, c'est commun à l'ensemble l'ensemble des pays qui ont besoin de reconstruire, y compris en Angleterre d'ailleurs, de passer de l'économie de guerre à l'économie de paix aussi, nécessiter une intervention massive de l'État. Donc l'idée même de l'intervention de l'État employeur, de l'État stratège, planificateur, etc., il y a une continuité avec des nuances entre tous les pays, et ça va du Gosplan soviétique à la planification à la française. Et au New Deal et au New Deal américain, et aux États-Unis. Voilà, donc il y a quand même une rupture très nette avec l'idéologie libérale qui est en œuvre avant la guerre et qui est tenue pour responsable de la crise de 29, c'est-à-dire on a laissé faire, on a laissé la concurrence et le commerce s'effondrer parce que chacun pays a essayé de s'en tirer tout seul. Et il y a quand même une idée qu'il faut une régulation publique très forte, et ça c'est à tous les niveaux, et d'une part, et d'autre part quand même une liberté du commerce. Mm-hmm. Ça c'est quand même... Anaïs Quin. Et puis cette pratique, Michel Margaras, de discussion internationale ne date pas de cette guerre et ne date pas du XXe siècle. On a une très longue pratique malgré tout d'un dialogue ouvrier, d'un dialogue interétatique même sur la question du travail, sur la question de la codification du travail. Pour exemple, l'envoi par Napoléon III d'une délégation ouvrière à Londres lors de l'exposition universelle pour discuter justement des conditions de travail. Oui, ce qui est quand même nouveau, mais ça date de 1919, c'est qu'il y a une organisation internationale du travail avec une délégation où il y a les représentants des États, des patronats, des syndicats, et qui discutent des normes internationales. Bon, c'est consultatif. C'est la création des normes internationales. C'est enfin, internationales. Il faut quand même insister sur cette question-là. Voilà. Alors, il y a une conférence. Quelque chose à ce moment-là. Oui, et il y a une conférence dont on parle très peu. Hein, on parle de la conférence de Bretton Woods, qui a lieu en juillet 1944, la conférence de San Francisco, qui a lieu en 1945, et il y a une troisième conférence qui a lieu aussi aux États-Unis, à Philadelphie, en mai-juin 1944. Alain Supiot, en 2010, a sorti un ouvrage intéressant sur aujourd'hui, mais qui revient à ce qu'il appelle l'esprit de Philadelphie. Or, quel est l'esprit de Philadelphie? C'est la conférence internationale du travail organisée. Donc on est juste avant le débarquement, hein, organisé par l'OIT, et dont le premier article, c'est « Le travail n'est pas une marchandise ».« Le travail n'est pas une marchandise ». Et qui légitime le terme de sécurité sociale comme un principe désormais universel. Donc c'est quand même... Mais c'est pas de la mondialisation. C'est pas de la mondialisation. Pourquoi ? Parce que on est pour la coopération internationale, pour les échanges d'idées, pour la convergence, pour le fait que, désormais, on évite ce qui s'est passé dans la crise des années 30 où chacun s'est replié sur ses frontières monétaires, protectionnistes, etc. On est pour la coopération internationale, mais ce sont les États qui, quand même, décident volontairement. C'est-à-dire, c'est de l'intergouvernemental, c'est de l'international, c'est pas du mondial. Alors, il y a tout de même une application de ce que vient de dire Antoine Reverchon, à savoir en particulier la planification, sur laquelle il faut dire deux mots, parce que c'est important. Par exemple, pour la France, la question de la planification, créer un plan, nationaliser pour pouvoir mieux rationaliser la production, faire en sorte que l'on privilégie tel ou tel secteur de l'économie pour pouvoir permettre la reconstruction. Tout cela, c'est quand même des innovations très importantes. Les banques, les mines, l'énergie, la création d'Électricité de France, toutes les questions autour des moteurs d'avions, la création des avions, etc., etc. Enfin, toutes les nationalisations de ce qui est l'armement, etc., etc. Renault, la nationalisation punitive. Bien sûr, et la nationalisation punitive de Renault, comme vous le rappelez, Michel Benoît-Blecourt. Michel Margaret. Oui, alors dans le plan, dans le programme du CNR, il était prévu le retour à la nation. Hein, parce que il y avait, donc on a... Duclos qui avait trouvé cette formule qui pouvait convenir un peu à tout le monde. De ce point de vue-là, on a vu l'habileté rhétorique, mais c'était le retour à la nation. Dirigeant du Parti communiste français. Voilà, ouais, le retour à la nation. Bon, ça voulait dire effectivement plusieurs choses. Des services publics qui pouvaient être assurés par des entreprises privées, ce qui était le modèle, en fait, français d'avant, 1939. Alors, on dit les compagnies d'électricité, il y avait 1100 compagnies d'électricité en France, distribution. La RATP, des grands groupes, hein. La RATP n'existait pas, mais il y avait des gestions de lignes, des compagnies concessionnaires, etc. Alors la plupart de ces entreprises qui ont connu des grosses difficultés dans les années 30, elles deviennent désormais, on franchit un pas, on passe à l'entreprise publique. Ou des régies, oui. Voilà. des régies. La SNCF l'avait déjà été en 1937, parce que, en fait, les compagnies étaient en déficit, etc. Puis il y en a qui sont bénéficiaires, par contre. Les compagnies d'électricité étaient plutôt très bénéficiaires. Et puis, vous avez alors d'autres nationalisations pour des raisons punitives. Renault. Mais Renault, c'était facile parce que Renault avait lui-même 95% du capital. Et comme, d'autre part, il ne faisait pas de politique. Donc, quand on fait pas de politique en août 44, c'est compliqué. C'est suspect. Quoi. Après, pour s'en expliquer, vous voyez, c'est quand même une manière un peu difficile. Aujourd'hui, on peut éventuellement le dire. En août 44, c'était quand même beaucoup plus difficile. Et donc, et puis les moteurs d'avion, effectivement, qui avaient été déjà nationalisés en 36, donc qui vont déboucher après sur la Snecma, etc. Donc, on est quand même, à part Renault, dans un secteur non concurrentiel. C'est-à-dire c'est vraiment les monopoles publics de services publics, mais qui passent à l'entreprise publique. Et puis il y a le plan. Mais alors le plan, comme il est 9h47, je ne vais pas vous faire... Donc vous êtes un grand spécialiste. Un truc sur le plan. Mais le paradoxe en France, c'est que le plan, il a été mis en œuvre et il a été pensé et accepté par quelqu'un qui n'est pas du tout planiste, qui n'est pas du tout planificateur, qui est Jean Monnet. Mais qui, au fond, a bien vu la nécessité, ce que vous expliquiez tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que quand on a des ressources rares et qu'on a des priorités assez claires pour faire repartir l'économie sur les bases, l'énergie, les transports, l'acier, qui sont des bases à peu près acceptées par tout le monde, il faut définir des priorités. Mais l'invention et le génie de Jean Monnet, ça a été de dire il faut faire des commissions où il y aura à la fois des représentants de l'État, des syndicats, et du patronat qui se mettront d'accord sur les objectifs communs. C'est un modèle qui a vu fonctionner aux États-Unis. Et qui donne un nouvel élément de la démocratie sociale. Et il faut aussi insister d'ailleurs sur les missions de productivité qui se mettront en place après la guerre, etc., qui iront voir justement dans d'autres pays, en particulier aux États-Unis, la façon dont fonctionne l'économie. On appellerait ça aujourd'hui un catalogue de bonnes pratiques, j'imagine. C'est comme ça qu'on dirait dans un langage de management d'aujourd'hui. Le modèle, c'est l'industrie de guerre américaine. C'est l'industrie de guerre américaine qui s'organise à partir des 40, enfin des 39 même d'ailleurs, pour fournir aux alliés, enfin aux futurs alliés, alors que les États-Unis ne sont pas en guerre. Il y a des commissions franco-britanniques qui sont aux États-Unis, dont Jean Monnet fait partie, si je me souviens bien d'ailleurs, et qui vont organiser avec les Américains la production à destination militaire, à destination des armées françaises et anglaises. Alors évidemment, l'armée française n'aura que peu de livraisons. Elle n'aura pas eu le temps. Mais tout ce qui est fabriqué aux États-Unis se dirige ensuite vers l'Angleterre, puis l'Union soviétique, quand même, qui reçoit une quantité d'armement absolument colossale. Et l'organisation de la production militaire est prise en main par des agences publiques aux États-Unis. Et c'est ça la matrice qui fait que, dans la reconstruction ensuite européenne, le modèle, ça sera celui-là. Mais pour terminer, avant d'écouter la chronique d'Anaïs sur les documentaires d'histoire, Michel Margaraz, il faut tout de même dire une chose. Il faut dire aussi que cette belle unanimité qu'on a décrite, ce travail à la fois autour du programme du CNR qui aboutit au printemps 44, et puis la mise en place, même difficile, comme le racontait Michel de Bleucourt, de cet état social, ne va pas durer très longtemps, que les tensions vont devenir assez vives assez rapidement et que un jeu politique va renouveler la donne. Et plutôt dans le sens des dissensions, des dissensus, de l'impossibilité de mettre en œuvre la totalité, justement, de ce que voulaient mettre en œuvre les gens qui, dans la résistance, avaient pensé à cet état social à la sortie de la guerre. Oui, c'est vrai. On pense à la guerre froide. On pense qu'à partir du fait, si vous voulez, dans chaque pays, et notamment en France, il y a le reflet de ce qui se passe sur le plan international. La Grande Alliance contre le nazisme, éclate, on le sait, à partir de 1947, entre l'URSS d'un côté, le Royaume-Uni, les États-Unis de l'autre. Ça a des conséquences dans tous les pays, y compris en France, où les communistes qui étaient au gouvernement en sortent, la CGT se coupe en deux, etc. Mais néanmoins, par-delà ces divisions, vous avez une postérité différentielle, certes, mais des institutions nées du CNR. C'est-à-dire le fait que beaucoup de ces mesures aient été votées par toutes les composantes ou une très grande partie des composantes politiques au moment de la libération. Ça fait que chacune de ces composantes s'y réfère. Et voilà. Et en particulier les gaullistes. Alors il faut attendre. Donc les nationalisations, personne ne les remet en cause jusqu'à 81, 82. Mmh. Et alors là, comme c'est des nationalisations de gauche, la droite se sent libérée et les gaullistes se sentent libérés de leur, au fond, de leur fidélité au programme, et ils reviennent même sur les nationalisations de 45. Et mais ils n'ont pas osé le faire avant. Et les idées sur la participation de certains gaullistes de gauche pendant le pouvoir de Gaulle avant 68 ou après 68, par exemple, sont des idées qui sont directement liées à cet esprit de la résistance, à cet esprit de la coopération du CNR. Un dernier mot. Et la sécurité sociale aussi bien sûr. A survécu. Michel Noblecourt, sur cet héritage, pourrait-on dire, de cette question-là. Oui, c'est-à-dire que je pense effectivement que c'est cet héritage subsiste encore aujourd'hui, et donc mais simplement on voit apparaître effectivement maintenant un clivage entre une partie de la gauche qui se veut l'héritière du programme du CNR des jours heureux, et puis une partie de la droite, parce que tout à l'heure on citait un dirigeant du patronat, mais il y a aussi une partie de la droite qui veut également détricoter d'une certaine façon le programme du CNR. Ou ce qu'il en reste. Donc, ce qu'il en reste, donc de revenir. Mais il reste quand même des choses très importantes dont on a parlé tout à l'heure. Antoine Robinson. Qui existent encore aujourd'hui. Et à l'échelon international, l'héritage, il persiste et il structure l'économie et le système social des pays occidentaux jusque dans les années 80 quand même. Puisque la vraie rupture, elle intervient c'est avec la révolution. Thatcher. Voilà, c'est avec la révolution néoconservatrice où on détricote l'ensemble des systèmes d'équilibre internationaux qu'on avait tenté de créer avec Bretton Woods, avec des imperfections, avec etc. Mais bon, voilà. Et surtout, là, idéologiquement, on dit que c'était pas bon. Et il faut faire tout à fait autre chose. Ce qu'on a fait, et on se retrouve en 2008 avec une crise aussi grave que celle de 1929. Donc la question est-ce qu'on va... Est encore pendante. Voilà. Est-ce qu'on va revenir Anaïs Quin, vous avez vu ce film documentaire qui s'appelait Les Jours Heureux, qui revenait sur cette question-là, qui a été aussi une façon de réactualiser tout ce dont on vient de débattre il y a quelques années. C'était l'année dernière ou il y a 2 ans. Oui, c'était un documentaire de Gilles Perret, sorti il y a 2 ans, si je me souviens bien, qui dénonçait la trahison du programme du CNR, de l'héritage du CNR et de ce consensus extraordinaire qui avait été possible pendant la guerre et qu'on ne parvient plus à convoquer aujourd'hui pour retrouver cette notion de sécurisation sociale et de mise en sécurité des citoyens au sein des pays, notamment occidentaux. France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. Mais pour la chronique mensuelle sur les documentaires d'histoire, vous êtes allé voir, Anaïs, quelques documentaires qui évoquent justement cette immédiate après-guerre et vous en avez retenu 2 films, des films de chercheurs justement qui posent leur regard sur le cinéma. Oui, puisque la libération, c'est également la libération des écrans, Emmanuel. 2 petits films sur 2 grands chercheurs. Et pour commencer, un documentaire proposé en manière de bonus dans le coffret de l'INA, Le cinéma de la résistance, dont le titre est Traces filmées de la résistance, après la nuit, joli titre, de Ginette Lavigne, qui propose une analyse des films de l'immédiate après-guerre par l'historienne du cinéma de la Seconde Guerre mondiale, Sylvie Lindeberg. Alors quand je dis immédiate après-guerre, on se trouve même au cœur de la libération de Paris, avec le fameux La libération de Paris de Pierre Bost, préparé dans la clandestinité, tourné dans les rues de Paris au cours des combats pour sa libération, et projeté en salle dès le 29 août 1944, soit 4 jours seulement après la fin de la bataille, et le fameux discours de De Gaulle à l'Hôtel de Ville, je vais me faire un peu plaisir, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé. Mais Paris libéré, un classique qui permet à Sylvie Lindeberg d'analyser la fabrication de cette image, la mise en scène, les intentions, les repentirs, je la cite, les linéaments du récit cinématographique qui permettent de donner l'épaisseur humaine effacée par la solennité du moment. Si la victoire semble être là, la guerre n'est pas terminée et les hommes sont déjà épuisés. En témoigne un jeune homme sur son 31 qui peine à retenir un bâillement dans le cadre de Gaulle prononçant sa célèbre tirade. Non, personne n'a baillé devant De Gaulle. Je l'ai vu. La guerre est épuisante et le protocole inextricable pour ménager toutes les tendances de la résistance autour de ce micro planté au milieu de la foule incarnant le peuple de Paris. La victoire n'est pas toujours si belle à voir, en témoigne l'horreur décrite par Gilbert Lariaga, un des opérateurs qui tourne ces images, qui dans ses mémoires, devant les scènes d'humiliation des collaborateurs et des femmes tondues dans les rues de Paris, exprime sa honte de tourner ces images et de participer à l'émulation de ce déchaînement de cruauté. Alors dans ce documentaire qui accompagne donc le coffret de l'INA, le cinéma de la résistance, et qui est donc réalisé par Ginette Lavigne avec le témoignage et les analyses de Sylvie Lindeberg, elle commande justement Sylvie Lindeberg un 2e film. Oui, Au cœur de l'orage de Jean-Paul Le Chanois, élaborée pour pallier le manque d'image de la résistance face au surcroît d'images, à l'immensité du nombre d'images du côté allemand et du côté américain. Jean-Paul Le Chanois qui se casse le nez sur la tragédie du Vercors et les nécessités d'un discours d'unité. Alors il change 3 fois de projet, de titre, remonte sans relâche son film pour ménager les anciens maquisards, les responsables de la France Libre, épater son distributeur. Bref, ce film est éreintant. Il sortira en 48, justement au moment de l'explosion du consensus de résistance qui dirige la France jusqu'à ce moment-là et qui arrive effectivement au plus mauvais moment pour que ce principe d'union soit célébré comme le désirait Jean-Paul Le Chanois. Alors on goûte avec gourmandise ce décryptage par Sylvie Lindeperg, mais avec une grande pudeur, il s'agit ici davantage du travail de cette historienne, personnage central du documentaire, et de son outil conceptuel forgé à cet effet, le film Palimpseste. Et donc ce coffret est en vente et vous y trouverez donc ce documentaire de Ginette Lavigne. Le coffret s'appelle donc Le cinéma de la résistance, il est publié par l'INA, et parmi d'autres documents, les 2 films qui sont analysés justement, La libération de Paris et Au cœur de l'orage. Et un 2e film documentaire sur lequel vous vouliez assister, Anaïs, sorti mercredi au cinéma, là, donc ça n'est pas un coffret. Edgar Morin, chronique d'un regard, de Céline Gailleur et de Olivier Boller, consacré à la passion d'Edgar Morin pour le cinéma. Oui, et il y dévoile la formation de son regard de spectateur et le rôle fondamental de la fréquentation des salles obscur dans son œuvre de sociologue. Du cinéma soviétique des années 30, son refuge adolescent, au film sur la Première Guerre mondiale qui l'accompagneront dans son engagement résistant au cours de la Seconde Guerre mondiale. Il y instille son regard sur le cinéma, celui qui nous permet de sublimer la médiocrité du quotidien et d'atteindre la rédemption, mais également celui qui nous confronte à notre incapacité à conserver cette intelligence une fois sorti du confort de l'obscurité des salles. On redécouvre un Edgar Morin pétillant, terriblement doué pour le plaisir, se promenant dans l'histoire du cinéma du XXe siècle avec et allégresse en tant que spectateur de ses icônes et de ses mythes, mais également en tant qu'acteur malheureux puisqu'il accumule les échecs à en faire lui-même, à commencer par le scénario de L'heure de vérité, écrit en 1963, qu'il refuse finalement de signer, jusqu'à la brouille durable avec Jean Rouch à l'occasion du tournage du fameux Chronique d'un été. Scène magique, scène finale magique, qui n'est pas la scène finale du film mais qui sera ma scène finale, le sociologue qui danse au son d'un morceau joué par des musiciens de rue à Berlin, une grâce absolue. Alors allons donc danser avec Edgar Morin ce week-end, sans oublier d'aller au cinéma. Merci donc et au mois prochain, Anaïs. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Vonne Olivier et Aurélie Marcet. À la technique avec nous, nous accompagnons en ce 8 mai Bruno Gagnère-Fontani et Anne Fleury à la réalisation. Et je vous rappelle que cette journée spéciale, 70 ans après, qu'avons-nous fait de l'héritage de la libération sur France Culture, dure encore toute la matinée puisque vous aurez tout de suite les nouveaux chemins de la connaissance par Adèle Vendrette avec la pensée philosophique de l'après-guerre et son héritage, Culture Monde de Florian Delorme sur le bilan des organisations internationales qui sont nées de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, Caroline Brouet reviendra à la fois sur Georges Guingouin dans la Grande Table et également sur les usages politiques de la résistance et du CNR. Et puis il faut rappeler donc le livre auquel vous avez participé, Michel Margueras, gros livre, donc La Guerre Monde, dirigé par Alia Aglan et par Robert Franck chez Folio Gallimard, un inédit. Et puis évidemment le hors-série du Monde qui était notre partenaire pour toute cette semaine, 1945, un monde éclaté sort de la guerre, auquel vous avez participé tous les deux, Antoine Reverchon et Michel Noglecourt. Merci encore.